Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux.